كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. تحمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 10. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في آخر الدرس مسائل متعلقة بالأكل والشرب كالحجامة والقي واستعمال الطيب والبخور، فما حكم الحجامة للصائم؟ أي هل من يحتجم هل يبطل صومه؟ يجوز له، فلا يبطل صومه، أي صومه إلى صحيح. نعم، on a dit الأفضل، مع أن الخلاف الواسع، et surtout que الحجامة ça provoque un ضعف، الإنسان يفبلي، et ça peut lui faire du mal في الصيام. Donc الأفضل، surtout que en général الحجامة c'est pas urgent، tu peux la repousser. فالأفضل كما تقدم من كلام بعض أهل العلم أنه et il la repousse la nuit ou après Ramadan ou il la fait avant Ramadan حتى يحافظ على صيامه et il sort من هذا الخلاف. القي، le vomissement، تفضل. Le vomissement, il n'y a pas de dalil qui est clair pour dire que le vomissement ça annule le asr. C'est que le asr c'est qu'on doit le siam et le valide jusqu'à temps qu'il y a un dalil. نعم، il y a un hadith لكن بعض العلماء بعض الحفاظ ils ont démontré qu'il n'est pas sahih, qu'à l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayh, كذلك l'imam Ahmed, من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء. أي il se fait vomir lui-même volontairement. هذا الحديث لو ثبت c'est une حجة لو ثبت، لكن كما تقدم بعض العلماء ils ont démontré أنه il est غير محفوظ. Et على كل حال كما تقدم أن celui qui vomit involontairement s'il est malade il est malade et le mari il a le droit de manger de boire de prendre des médicaments et il rattrape son jour et si c'est involontairement et il n'est pas malade il peut patienter هذا il continue son siyam لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها c'est involontaire أما se faire vomir volontairement alors c'est de délaisser هذا في حال الصيام لأن الخلاف il est قوي. Et كذلك il n'y a pas une nécessité في هذا de se faire vomir في نهار رمضان. Ça peut provoquer comme الحجامة un affaiblissement et ça te fait du mal. هذا الخلاصة. وإلا من حيث الدليل ففي الحقيقة الأصل كما تقدم c'est que le صيام il est صحيح إلا si y a un دليل واضح qui montre بطلان الصيام. Et في هذه المسألة il y a un hadith et تقدم أن بعض العلماء ils ont démontré أنه il est غير محفوظ أي il est pas صحيح. ثم on a cité des مسائل et inshallah elles sont واضحة. أما ما يتعلق بقطرة العين والأنف والأذن أي les gouttes قال شيخ ابن عثيمين، on lit une fatwa de شيخ ابن عثيمين qu'on n'avait pas cité dans le درس précédent. قال رحمه الله في مجموع فتاوى ورسائله قطرة الأنف إذا وصلت المعدة فإنها تفطر. Si les gouttes pour le nez, si ces gouttes y pénètrent dans sa gorge, ثم ça arrive à son estomac, فهذه تفطر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط ابن الصابرة رضي الله عنه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. L'istinchaq avec l'eau, faire pénétrer l'eau dans son nez, et ça arrive, comme on avait vu, ça pénètre la gorge, thumma l'estomac, ça annule le siyam. Fahakada ces gouttes. Donc, les gouttes pour le nez, si on les utilise, on fait attention que ça pénètre pas dans la gorge, thumma dans l'estomac. Qala fala yajuz as-sa'im an yaqtur fi anfihi ma yasilu ila mi'datihi. Na'am, que ce soit de l'eau ou autre. وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة أو من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. Donc on a ce hadith بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Donc les gouttes pour le nez, il y a un tafsil. si ça pénètre dans la gorge, thumma l'estomac, hada ça annule. Wa illa ça annule pas. قالوا أما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال. Donc les gouttes pour les yeux. كذلك مدّ الكحول sur les yeux, أي le noir. وكذلك القطرة القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه. نعم. أما vous avez remarqué que les gouttes pour le nez, on a un délil qui ressemble. Aïe, ma yata'alak bil istincha. Aïe, faire pénétrer l'eau dans le nez, thumma ça arrive à la gorge, ou à puis à l'estomac. Aïe, on a un délil sur l'eau. Donc, les gouttes pour le nez, ça ressemble. Amma ma yata'alak bil al-ayn, il n'y a pas de délil. Il n'y a pas un cas qui ressemble. Là. Donc, l'aslo, c'est que c'est permis. Et l'asl, la base, c'est que ça annule pas en siyam. Kadhalik al-iktihal. L'iktihal, aïe, le kuhl, mettre sur ses yeux. هذا ثاني الباصية قال والعين ليست منفذا للأكل والشرب وكذلك الأذن et ça c'est une précision طيبة de Cheikh Ibn al-Uthaymeen أن contrairement à la bouche et le nez, la bouche bien sûr c'est si tu avales quelque chose ça peut aller directement dans ton estomac que ça soit de l'eau ou de la nourriture ou autre. Le nez كذلك, celui qui aspire fortement de l'eau par son nez, ça arrive par Thomas, ça pénètre dans sa gorge et dans son estomac. Ben, les Philistines, chaque il l'intercon sa'ib. Amma, les yeux et les oreilles, voilà. C'est pas un manfed. C'est pas un conduit pour les aliments ou autres. Ça va pénétrer dans la gorge et dans l'estomac. Donc, utiliser ces gouttes, ou le kuhl, les yeux, ou des gouttes pour les oreilles, fait hada, al-aslo, c'est que ça annule pas as-siyam. Hada, كلام شيخ ابن عثيمين إساء قول طيب ست فتوى سيبور كومبليتي ما تقدم في الدرس السابق. ثم أبخي أبوخ سيتي ما يتعلق بالأكل والشرب أي سأنيل الصيام et on a vu des مسائل qui sont relatives à ce point. الآن ما يتعلق بالجماع الجماع يبطل الصوم كما تقدم بالإجماع. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع وأجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم. Donc ça c'est حرام. أما في الدبر حتى لغير الصائم c'est حرام. الدبر c'est par derrière والعياذ بالله. أي pas par l'endroit que Allah سبحانه وتعالى il nous a autorisé. هذا c'est حرام que ce soit في رمضان أو في غير رمضان. أما الجماع مع الزوجة في القبل ففي للصائم حرام كذلك. وعلى أن الجماع يبطل صومه كذلك سجماع إلى نول الصيام حرام إلى نول الصيام. Et on verra que celui qui le fait pendant Ramadan y a une kafar. On verra dans Hadith Abi Huraira qu'on va étudier ensemble aujourd'hui ou dans le prochain dars inshallah. قال ابن قدامة رحمة الله عليه لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل. Et ça c'est important qu'il y ait une éjaculation ام لا. Tant qu'il y a pénétration et جماع في الفرج ça annule الصيام. Donc c'est pas une condition l'éjaculement هنا l'éjaculation là. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج. Donc des rapports, une pénétration. فأنزل أو لم ينزل. Qu'il y ait éjaculation أم لا. قال أو دون الفرج فأنزل. أما si c'est pas une pénétration أي الفرج لكن il y a une éjaculation فهذا كذلك سأنول الصيام. Donc t'as deux cas. T'as al-jima, pénétration, éjaculation, amla, ça annule al-siyam. Thumma, t'as une deuxième mas'ala. Annahu, il prend du plaisir et il n'y a pas pénétration, lakin il y a éjaculation. Hada, ça annule al-siyam kadhalik. Mas'ala tal-kafara, on verra que c'est khas pour al-jima. Mas'ala tal-kafara, c'est khas pour la pénétration al-jima. قال فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عمدا. Donc, نحن, ce point 1, on n'est pas fait le kafara, on répète. On est fait, est-ce que le siyam il est sahih ou pas? Donc, le siyam il est annulé, il devra rattraper ce jour, on verra est-ce qu'il y a une kafara pour celui qui fait le jima'. هذا كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. Et ça c'est بالإجماع كما تقدم الجماع. الجماع في رمضان بالإجماع أنه يبطل الصوم. بقي القبلة للصائم أي embrasser sa femme. Est-ce que ça annule le siyam? Est-ce qu'on peut comparer ce cas au jima, au rapport? عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه متفق عليه. عائشة rapporte أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر. Il embrassait ses femmes et il était صائم عليه الصلاة والسلام. لكن عائشة رضي الله عنها fait une précision أنه كان أملككم لإربه. أي النبي صلى الله عليه وسلم il se maîtrisait, voilà, chaque voilà, c'est atqan nas, alayhi salatu wassalam. Donc, tu retires de ce hadith, anna celui qui se maîtrise, khasatan al-rajul, ou al-sheikh al-kabir, contrairement au jeune, on verra qu'il y a une différence, fi al-shahwa. Un jeune est un homme qui est marié depuis longtemps, et un jeune qui vient de se marier, il y a une différence. Hada, personne ne peut le renier. فعائشة رضي الله عنها elle cite cette différence. أي كأنها تقول celui qui peut se retenir فالنبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait. Et celui qui craint pour son nefs أي de tomber dans le haram de pas se maîtriser فهذا il délaisse. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه dans ses fatawa مجلد الخامس عشر volume 15 تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها أو ومداعبته نعم بالضم تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير جماع وهو الصائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو الصائم ويباشر وهو الصائم سسلقص سك على باس سبطأنا نلاتف دو الصيام امبغاسي سفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لف النبي صلى الله عليه وسلم يفز الصيام لكن قال شيخ ابن باز لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك أما si il a peur de tomber فيما حرم الله عليه فهذا يدلس أفضل أما il fait une chose et ça le pousse dans un haram فهذا لا يجوز له فإن أمن لزمه الإمساك والقضاء أما s'il embrasse sa femme ثم il prend du plaisir et il éjacule فهذا الشيخ ابن باز يقول أنه il doit continuer à faire صيام et rattrape ce jour ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم نعم on verra ما يتعلق بالكفارة جمهور أهل العلم ils disent أن الكفارة c'est pour celui qui fait des rapports qui a eu des rapports avec sa femme. Al-Kafara, on verra, libérer un esclave, celui qui ne peut pas, il jeûne 2 mois consécutifs, celui qui ne veut pas, il nourrit 60 pauvres. Amma, celui qui embrasse sa femme et il éjacule, fahada, il rattrape son siyam. Wala yambarila. Al-Insan, il connaît son nefs. Il s'écarte de ce qui peut lui faire du mal à son siyam, à son din. Kam minan nas, ils ont commencé par embrasser leur femme, ثم ils se maîtrisent pas, ثم يقعون فيما حرم الله, ثم الكفارة العظيمة, ils regrettent, ثم بعضهم ils appellent les savants, est-ce que je dois jeûner les 2 mois, est-ce que إلى آخره, أي ils se mettent في حرج, لأن jeûner 2 mois consécutifs c'est pas simple, et si tu coupes ces 2 mois comme sayati ma'ana, tu dois les refaire depuis le début. Si tu coupes les 2 mois, les 2 mois ça doit être consécutif. Si tu les coupes sans raison, tu dois recommencer du début. Il peut avoir une mashaqqa. Donc, fermer les portes min al-bidaya, c'est matlou. قال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني إذا قبل الصائم فأمنى فإنه يفطر بغير خلاف نعلمه نعم il a annulé son siyam si il embrasse sa femme et il prend du plaisir il éjacule فهذا il annule son siyam قال الإمام الألباني رحمة الله عليه في تمام المنة c'est un kitab طيب للشيخ الألباني يعلق أي حقق يصحح le livre de Sayyid Sabiq Fiqh al-Sunnah Lakin Rahmatullah alayhi Al-Imam al-Albani Il n'a pas pu le finir Il est mort avant Lakin Les premiers ajza' Ma yata'alak bittahara Al-salat Al-siyam Ils sont nafi'a Qala La nansah al-sa'im Bikhassa Iza kan qawi Al-shahwa An yubashir Wa huwa sa'im Ça c'est une nasiha Tayyiba Fi mahalliha أنه surtout le jeune, surtout celui qui a une قهوة أو une شهوة قوية في البداية, surtout في البداية أو début du mariage, هذا لنصيحة الشيخ الألباني للطيب أنه يسكر خشية أن يقع في المحظور أي الجمع وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة الشريعة منها قوله صلى الله عليه وسلم ومن حام حول الحمام أوشك أن يقع فيه أي سباس شخص دليل عليه رحمة الله باب سد الذرائع في الشريعة سان باب مهم أي تفرم لي بورت دون شوز كي peut te conduire à un haram أو une مخالفة فمثلا si on se pose la question est-ce que pour celui qui est marié embrasser sa femme la journée de Ramadan c'est wajib c'est pas obligatoire est-ce qu'il peut s'en passer نعم Est-ce qu'il peut repousser au soir Non. Donc, fermer cette porte, préserver son siyam, c'est ça, al-matloub. L'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-hadith, celui qui fait paître ses animaux autour d'un endroit qui est réservé au malik. Un endroit qui n'est pas le sien, il n'a pas le droit d'y pénétrer. Lakin, il emmène ses animaux autour de cet endroit. Faroupama, une de ses bêtes, elle rentre dans cet endroit privé, il ne pourra pas retenir toutes ces bêtes. C'est quoi le problème? Un, c'est qu'il s'est trop rapproché. Man hama hawla al-hima, aw shaka an yaqa fiha. Falihada, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de s'approcher du zina. Wa la taqrabu zina. Lianna se rapprocher, ça peut te faire tomber dans le haram. Hada, c'est un bab muhim fi shari'atina as-samha. والإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه الاستذكار يقول لا أعلم أحدا أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يكون منها وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها ابن عبد البر الإمام المالكي رحمة الله عليه Il cite les savants qui autorisent le Qubla. Et c'est sahih. C'est que c'est autorisé. Ils conditionnent, yashtaritun al-salam. Al-salam, ils conditionnent que ça ne te pousse pas à tomber dans le haram, bien sûr. Amma, si tu risques, surtout pour le jeune, surtout pour le nouveau mari, s'il risque de tomber dans le haram, ou de prendre du plaisir et d'éjaculer, il annule son siyam. فهذا يدوى سكرتي دو القبلة في النهار نهار رمضان فهذا هو الصحيح donc la base c'est que c'est permis et celui qui ressent dans son nefs qui peut tomber dans le haram ou il maîtrise pas sa shahwa فهذا يسكرت والله تعالى أعلم فبقي الاستمناء la masturbation هل الاستمناء يبطل الصوم قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي تقدم معنا يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي c'est ça مقاصد الصيام c'est de délaisser la nourriture, la boisson et الشهوة pour Allah سبحانه وتعالى الحديث متفق عليه عن أبي هريرة قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في فتاواه المجلد الخامس عشر الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك سأنل الصيام وخرج منه المني avec cette condition il se masturbe et il éjacule. فهذا الآن il a pris du plaisir. C'est pour ça qu'il a éjaculé. Et Allah subhanahu wa ta'ala يقول يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة. Si un siyam, c'est un siyam obligatoire, car Ramadan par exemple, هذا il rattrape ce jour. لأن il a annulé son jour. Et continue الإمساك. وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ إِذَا وَقَعَ هَذَا مَثَلًا فِي وَقْتَ الظُّهْرِ. Ça ne veut pas dire qu'il peut manger jusqu'au maghrib. لأن son jour il est annulé. لا. لأن الزمان سأزمان حرام. أي لا يجوز الأكل فيه ولا الشراب فيه. Sauf celui qui a un udr. Celui qui a un udr. أما هذا لا عذر له. فسيل يتومب dans ce haram, يمسك يكونتينو son jour. Et son jour il est pas valide, il le rattrape. Et il fait التوبة. قال وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره. Donc, il doit faire tawbah, لأن سافع الحرام que ce soit في نهار رمضان أو في غيره. لكن في نهار رمضان أشد. Pourquoi? لأن في هذا الوقت c'est un وقت عظيم عند الله سبحانه وتعالى. Il n'a pas le droit de faire cette chose. Donc, il tombe dans le haram et il annule son siyam. Et c'est un manque de respect envers هذا الشهر المبارك. وهو التي يسميها الناس العادة السرية. نعم. الاستمناء والعادة السرية. هكذا لكونو en langue arabe. وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ولا كفارة لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة. Et ça, c'est une réponse à une question qu'on peut se poser. Est-ce que, alayhi al-kaffara, est-ce qu'il est comme celui qui a eu des rapports volontairement et il doit jeûner 2 mois consécutivement? Avant cela, s'il peut libérer un esclave, il le libère. S'il ne peut pas libérer un esclave, il ne peut pas jeûner 2 mois. Il nourrit des pauvres. Là, هذا, c'est pour celui qui fait le jima. C'est tout. Amma man waqa'a fi hadha al-haram al-istimna, il rattrape son jour et il fait tawba. Il n'a pas de kaffara. Al-an, نقرا الحديث كلا سيتي الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الاحكام ما يتعلق بالكفاره اذا حديث امبورطون. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عليه في عمدة الاحكام عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله اهلكت. انم il est venu voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il faisait le siyam Ramadan et il a dit au prophète alayhi wa sallam halaktu. Al halak ay annahu il va à sa perte. Et ça montre an hada ar rajul il savait que c'était haram. C'est pour ça qu'il a dit halaktu. Il sait qu'il a fait une erreur. Ça nous montre an ma yata'allaq bil kaffara, c'est pas forcément celui qui connaît tous les ahkam, il est pris en compte. Aïe, anna cet homme, même s'il ne savait pas qu'il faut jeûner 2 mois consécutifs, avant cela il faut libérer un esclave, ou nourrir des pauvres s'il ne peut pas. Ba'dhum, ils peuvent penser, anna aussi, s'il ne connaît pas tout ça, il n'est pas pris en compte, aïe min hayt al-kaffara. Là, l'essentiel c'est qu'il sache que c'est haram. S'il l'a fait, il est pris en compte. Et, alayhi al-kaffara, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va citer. قال صلى الله عليه وسلم مالك. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a demandé la raison. Pourquoi tu dis هذا هلكت. قال الرجل وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. Ça montre que c'est un صيام obligatoire. أما si c'est pas un صيام obligatoire, il n'y a pas de كفار. مثلا رجل il jeûne le lundi صيام نفل أي un صيام recommandé ثم en pleine journée alors qu'il est صائم il a des rapports avec sa femme. هذا أصلا الصيام il est pas obligatoire, donc il est pas concerné par الكفار. Donc c'est pour الصيام qui est obligatoire. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها. Première chose, النبي صلى الله عليه وسلم il demande à cet homme. Il y en a cet homme, il a fait les rapports et il savait que c'était interdit. C'est pour ça qu'il a dit au prophète, halaktu. Donc, on n'est pas dans un cas où il est ignorant. النبي صلى الله عليه وسلم يلسي فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يلو دون لا سوليسيون هل تجد رقبة تعتقها un esclave, est-ce que tu peux affranchir un esclave, libérer un esclave? قال لا. Il n'a pas les moyens. Donc, النبي صلى الله عليه وسلم, il va passer deuxième étape. Et on va voir la mas'ala, est-ce que le tartib il est wajib ou la? Al-sahih, c'est que c'est wajib. Et النبي صلى الله عليه وسلم, il ne lui a pas donné le choix au départ. Il lui a imposé libérer un esclave. Si tu ne peux pas, tu passes à l'étape inférieure, à l'étape suivante. C'est ça, sahih. Amma, choisir là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cet homme il aurait pu choisir, il lui aurait cité al-itq al-raqaba, en même temps al-siyam et al-masakin, et il lui aurait laissé choisir. Amma là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui impose la première. Si al-rajul il aurait dit na'am, je peux, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait rendu obligatoire, il aurait dit t'es obligé de libérer un esclave. Et il ne serait pas passé à l'étape suivante. Hada c'est muhim. Qala fahal تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. Ça, ça nous montre أن les deux mois. Un Nabi صلى الله عليه وسلم lui a dit est-ce que tu peux jeûner deux mois consécutifs? Ça nous montre que ces deux mois, la condition c'est de les faire consécutivement. Pas de faire un peu dix jours ou un mois, ثم plus tard un mois ou les séparer une semaine là. شهرين متتابعين. قال الرجل لا. Donc, il n'avait pas les moyens financiers pour libérer un esclave et il n'avait pas les moyens, le moyen physique pour faire deux mois consécutifs. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ Est-ce que tu as les moyens de nourrir 60 pauvres? قال الرجل لا. Donc, il n'avait pas les moyens. Ça, c'est un hadith qui montre qu'il y a celui qui n'a pas la capacité d'une chose, il est excusé. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال الإمام النووي رحمة الله عليه العرق عند الفقهاء سان ريسيبيان ما يسع 15 صاعا سان ريسيبيان كي بو كونتينير 15 صاع قال وهي 60 مدا الصاع سي 4 فوا لي ما رامبلي لي دو ما كي سون جوين كي سون جوين اي رامبلي سي ان سي ان مد اي 4 سي ان صاع. Donc, l'araq, عند الفقهاء, ما يسع 15 صاع, 15 صاع, وهي 60 مدا لستين مسكين. Donc, un mud par مسكين. C'est ça, c'est la façon de nourrir un pauvre. Chaque pauvre, tu le nourris avec un mud. Avec les deux mains jointes. قال وهي 60 مدا لستين مسكين لكل مسكين مد. هذا كلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. Il explique كلام نعم لفظ العرق dans le hadith والعرق المكتل قال صلى الله عليه وسلم أين السائل. Donc ça montre que ce passage ça montre que الكفارة تبقى في ذمة هذا الرجل أي celui qui a annulé son siyam avec le jumu'ah s'il n'a pas les moyens ça ne veut pas dire que il n'a plus de kafara, là. L'Annabi sallallahu alayhi wa sallam, il a attendu. Il a attendu et quand il a reçu ce récipient, avec cette nourriture, il va reparler à l'homme. Ça montre qu'il n'a le kafara tabqa. Limada. L'Anna, peut-être que tu ne peux pas libérer un esclave, ou jeûner les deux mois, ou nourrir 60 pauvres dans un moment donné. Mathalan, dans un mois, tu pourras. Dans un an, tu pourras. Mathalan, une personne, elle est malade. Elle ne peut pas jeûner deux mois consécutifs pour l'instant. On lui dit d'attendre. Dès qu'elle va mieux et elle peut jeûner les deux mois, elle jeûne les deux mois. Et le dalil, c'est موقف النبي صلى الله عليه وسلم أنه il a attendu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال أنا. قال صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. أي النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à cet homme prends ce récipient avec cette nourriture. Et fais sadaqa, et nourris 60 pauvres. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود comme c'est cité à la fin du hadith. Aïe, c'est une terre et aux extrémités il y a des pierres noires. جمعه لابات والمدينة بين لابتين شرقية وغربية. Aïe, tout ça pour démontrer à cet homme l'un quand il a dit فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين, il parle de la Médina. Aïe, il n'y a pas plus pauvre que moi في المدينة. أهل بيت أفقر من أهل بيتي. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a dit nourris des pauvres avec ce récipient, الرجل, il démontre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas une famille plus pauvre que la sienne fil Madina. Donc, est-ce qu'il va nourrir des autres et délaisser sa famille? فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. C'est un dalil, annahu, c'est permis de rire. C'est permis de sourire, bien sûr, et كذلك, c'est permis de rire. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَتَّى بَدَتَ نِيَابُهُ. حَتَّى ses dents, ses molaires, elles sont apparues. ثم قال أطعمه أهلك. Ça montre رحمه النبي صلى الله عليه وسلم et ça montre la facilité de ce din. هذه الشريعة السمحة. رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم. نعم. Donc le hadith est في الصحيحين et ce lafz qu'il a cité l'imam عبد الغني المقدسي c'est lafz البخاري. Aïe, في الصحيح مسلم, tu vas trouver ce hadith لكن avec des mots différents, des formulations de phrases différentes. Hadith al-Azim, Hadith Abi Huraira, et c'est al-Asl, c'est un fondement dans la mas'ala de kaffara fi Ramadan. Ay man jama'a ahlahu fi nahar Ramadan. Ce hadith, Hadith Abi Huraira, c'est un fondement, c'est un asl. Ay, c'est la référence. C'est pour ça que l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi l'a cité fi Umdat al-Ahkam. Et plus on avance dans le dors, plus vous comprenez l'importance d'apprendre ce genre de livre. Les annahu, c'est un comme a dit al-Hafid Abdul Ghani rahmatullah alayhi, umdatul ahkam, umda. Et c'est des bases solides, des fondements dans le fiqh. Et on parle pas de usul al-fiqh, les fondements du fiqh, la matière là, on parle de le fiqh lui-même, c'est des ahadith qui renferment beaucoup de masail qu'il a cité. Donc si tu connais ces hadiths, anta, tu connaîtras beaucoup de masail. Et c'est ça l'ilm. Amma, ne pas connaître ces hadiths, ne pas les mémoriser, ne pas connaître l'explication, dans le fiqh, tu prendras une masala par-ci, une masala par-là. Un jour du taqlid, un jour tu comprendras plus. Un jour tu ne sauras pas pourquoi tel shir, il a dit telle chose. Tu comprendras plus le khilaf. T'as pas de base solide sur quoi te reposer. Donc l'apprentissage de ces hadiths, c'est muhim, jiddan. Et un exemple, un avec hadith, Abi Huraira, hadith al-Kaffara. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في شرحه على عمدة الأحكام ففيه, أي dans ce hadith, أنه يجب بالوط, الوط c'est الجماع, في نهار رمضان, أي celui qui a des rapports في نهار رمضان, هذه الكفار. Donc celui qui a des rapports volontairement في نهار رمضان, alors qu'il n'a pas le droit d'avoir des rapports. Et on verra que Obama, il y a des personnes, elles sont excusées. Il est malade. Et il ne fait pas Ramadan. Ou il est en voyage. C'est pour ça qu'on précise celui qui n'a pas le droit d'avoir de rapport finahar Ramadan. Qadiyakul Qa'il, mais on n'a tous pas le droit, pas besoin de faire cette remarque. Ben, il y a des gens, ils sont en voyage, ou ils sont malades. Fahaoula, ils ne sont pas concernés par l'interdiction. Les anna aslan, ils ont le droit de manger, boire, et d'avoir des rapports. Les anahoum, ils ne sont pas concernés par As-Siyam. Dans cette durée déterminée. Par exemple, un musulman, il voyage avec sa femme fin nahar Ramadan. Il va en voyage 3 jours, 2 jours, 1 semaine. Hada, il a le droit de manger, boire et d'avoir des rapports avec sa femme. Donc, c'est bien celui qui n'a pas le droit d'avoir de rapports. Qala fafihi annahu yajibu bilwat'i fi nahar Ramadan hadhihi al-kaffara wa hiya ka kaffarati al-dhihar. نعم كما في سورة المجادلة على الترتيب. Premier point, c'est que c'est obligatoire على الترتيب. Tertib, c'est l'ordre. Et on n'a pas le droit de délaisser As-Siyam si on a la capacité de faire As-Siyam et on se dit on va nourrir des pauvres. Ils font ça. Et c'est un qawl de certains ahl al-ilm, annahum yaquluna bit-takhir, lakin as-sahih alladhi dalla alayhi hadith Abi Hurayra, c'est que at-tartib l'ordre c'est obligatoire. Celui qui est capable de faire siyam, il n'a pas le droit de nourrir des pauvres. Il doit faire siyam les deux mois consécutifs. Amma libérer des esclaves dans notre époque, c'est shibha mustahil. Falihada, on a cité directement as-siyam. Donc, à la tartib, l'ordre. L'ordre que le professeur sallam, il a cité à cet homme. Libérer un esclave, si tu peux pas. Jeûner deux mois consécutifs, si tu peux pas. Nourrir 60 pauvres. Si tu peux aucun des trois, فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Et si tu peux pas, ثُمَّ, une période après, t'as la capacité, imma t'as de l'argent, imma tu n'es plus malade, فَفِيَا دَلْحَالِ, t'appliques le point dont tu es capable. Si tu peux jeûner, tu jeûnes. Si tu peux nourrir des pauvres, tu nourris des pauvres. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه فمن قدر على العتق لا يعدل إلى الصيام ومن استطاع الصيام فلا يعدل إلى الإطعام. هذا. Donc ça c'est قول الشيخ سعدي. C'est قول كثير من أهل العلم. C'est الصواب. وغير الوط من المفطرات لا يجب به كفار. أما celui qui annule son صيام avec un annulatif autre que le jima' les rapports, il n'a pas de kafara. Celui qui mange volontairement, celui qui boit volontairement. Na'am, ha'oula, là, ils n'ont pas de kafara. C'est haram. Et c'est un dhamb kabir. Lakin al-kafara, c'est khasun pour celui qui a des rapports. قال وكذلك الوط في صيام غير رمضان ليس فيه كفارة. كذلك celui qui a des rapports في غير رمضان. On va voir cette masala en détail dans les points qu'on a cités après la parole de Cheikh Saadi. لأن الكفارة لحرمة زمان رمضان وكذلك قضاؤه ليس فيه الوط ليس في الوط فيه كفارة. كذلك celui il a des rapports avec sa femme pendant un siyam nafila. On a dit siyam nafila, c'est pas obligatoire aslan. Et un siyam recommandé comme celui qui jeûne lundi et jeudi. Lakin il y a un cas annahu il a manqué un jour de Ramadan. Et il avait une excuse. Mathalan, il était malade. Thumma, on va citer un exemple. Fi Muharram, il décide de rattraper ce jour. Ce jour, il est obligatoire. Il rattrape Ramadan. Ce jour, il est obligatoire. La différence avec Ramadan, c'est qu'il a du temps pour le rattraper. L'essentiel, c'est qu'il le rattrape avant l'autre Ramadan. Donc, si ce jour de Muharram, il décide de rattraper son siyam, ce jour il est obligatoire. S'il a des rapports, il n'est pas concerné par le kafara. L'anna al-kafara c'est khassa pour Ramadan. Fafi hadha al-hal, s'il a des rapports, son jour il n'est pas compté, il refait un autre jour. Hada c'est muhim. Kama qala Cheikh Saadi rahmatullah alayhi, l'anna Ramadan c'est par rapport à hurmat hadha al-zaman. قال لأن الكفارة لحرمة زمان رمضان وكذلك قضاؤه ليس في الوط فيه كفارة لكن يأثم في الوط في الصيام الفرض دون النف. نعم. أما s'il a des rapports et c'est un صيام فرض autre que رمضان, que ce soit النذر, que ce soit القضاء, فهذا يأثم. نعم يأثم أي il fait un péché. Lakin, est-ce qu'il doit faire le kafara? La. Amma fi siyam an-nafl, la ya'tham. Lianna aslan, le siyam recommandé, c'est pas obligatoire. Hada kalam Cheikh Saadi rahmatullah alayhi, c'est un kalam mukhtasar. Il a cité plusieurs masa'il, c'est pour ça qu'on l'a cité au départ. Et c'est un kalam tayyib. Et inshallah, avec les points qu'on va citer l'an, on va détailler plusieurs choses. Awwalan, est-ce que, c'est une masala importante, hal, على المرأة كفارة أيضا إن لم تكن مكرهة. Est-ce que la كفارة ça concerne l'homme فقط أو ça englobe la femme? لأن الحديث أبي هريرة, vous avez remarqué que l'homme il a dit halaktu, et l'homme il n'y a aucun doute qu'il n'a pas fait des rapports tout seul, donc il y avait une femme. النبي صلى الله عليه وسلم il n'a pas demandé sur la femme, et il n'a pas dit à l'homme tu dis à ta femme كذلك, il a parlé que de l'homme. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait très bien que sa femme, كذلك, elle a fait al-jima. Donc, al-ulama, par rapport à ce hadith, ikhtalaf. On lit, kalam, Cheikh Mohammed, Ibn Hizam al-Ba'dani, hafidhahullah ta'ala, dans son livre Ithaf al-Anam, il a cité ce point en détail. Et nous le résume. Qala hal yalzam al-mar'a kaffara idha lam takun mukraha. Et on va voir après si la femme elle a été forcée. Elle ne voulait pas avoir de rapport, lakin son mari l'a forcée, c'est autre chose. Lakin l'an, elle a eu des rapports et elle-même elle était d'accord. Donc, elle a désobéi comme son mari l'a désobéi. Et là, c'est une désobéissance d'avoir des rapports fi nahar Ramadan. Amma, elle a son jour, il a annulé, ça, il n'y a aucun doute. Lakin, la question qui se pose, elle, est-ce qu'elle est concernée par le kafara ou le kafara? Le kafara, c'est libérer un esclave, nourrir jeûner 2 mois, ou si il n'a pas la capacité, nourrir 60 pauvres. Est-ce que la femme elle est concernée par هذا ou c'est khas pour l'homme? Qala fil mas'alati qawla. Al ulama, ils ont divergé. Ba'dhum, ils ont dit ça englobe la femme, bien sûr, li annaha li comme l'homme, elle a fait le même péché que l'homme, et tous les adillah, la femme elle est concernée comme l'homme, sauf si on a un dalil clair que la femme elle n'est pas concernée ou l'homme il n'est pas concerné. Donc le premier qawl, annahu yalzamuha, elle est concernée, elle aussi. Elle doit libérer un esclave si elle peut, si elle ne peut pas, le jeûne 2 mois, si elle ne peut pas, nourrir 60 pauvres. Et ça, c'est Qawl Imam Malik et Qawl Abi Hanifa. Et d'autres savants. Car l'imam Ibn al-Mundhir, c'est un Qawl an al-Shafi'i et Azahu al-Hafidh Ibn Hajar lil-Jumhur. Al-Hafidh Ibn Hajar, il dit que la plupart des savants, ils disent que la femme, elle est concernée kadhalik. Al-Qawl al-Thani, deuxième Qawl, la yalzamuha. Elle n'a pas de kafara à sortir. Son siyam, son jour, il est annulé. Amma al-kafara, c'est pour l'homme. Wa huwa qawl al-Hasan, al-Hasan al-Basri, wal-Awza'i, wa riwaya an Ahmed, et c'est le qawl de l'imam al-Shafi'i. Et ha'oula, ils ont choisi ce qawl, pourquoi les anna dans le hadith, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas demandé sur la femme. Et il n'a pas dit à cet homme, tu dis à ta femme kadhalik, qu'elle fait telle chose et telle chose. نعم ثم إلى ديتاي نحن للخلاصة السيت ceux qui ont choisi le qawl al-thani, ils ont répondu à ceux qui ont choisi le premier qawl. قال وأجاب الجمهور عن هذا بأنه قضية حال فالسكوت عنها لا يدل على الحكم. أما ceux qui ont choisi l'avis que la femme كذلك elle est concernée par le kafara, ils ont dit, même si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas cité, c'est qadiyat hal. C'est une histoire qu'il y a eu dans un temps précis, cet homme avec cette femme. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas cité, cette femme. Wa illa ahkam al-shari'a, ça englobe tout le monde. Hakada qalu. Fassukut anha la yadul ala al-hukm. Eux, ils disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il n'a pas cité cette femme, ça ne veut pas dire que le hukm n'est pas applicable sur elle. Qal l'ihtimal an takun al-mar'a ghayr sa'ima li'udhu min al-a'dhar. Kadhalik. C'est un qawl qawi. Kadhalik, eux, ils ont dit que le prophète sallam, il n'a pas cité cette femme. Léana Rubama, il savait que cette femme, elle n'a pas jeûné. Elle était excusée de ne pas jeûner. Donc, elle n'est pas concernée. Elle n'a pas fait d'interdiction. C'est son homme, son mari qui a fait l'interdiction. Amma elle, aslan, elle faisait pas siya. Elle avait un ud. Imma malade, imma autre. قالوا يحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء. كذلك ربما النبي صلى الله عليه وسلم il a compris de cet homme, il n'avait pas les moyens de libérer un esclave, il n'avait pas les moyens de jeûner, il n'avait pas les moyens de nourrir 60 pauvres. كذلك il a compris que sa femme elle était dans le même cas. لكن في الحقيقة pour libérer l'esclave et nourrir les pauvres, نعم لأن si le mari est pauvre, en général la femme elle est pauvre. كذلك لكن peut-être que la femme elle avait la capacité de jeûner 2 mois. Donc هذا ceux qui ont choisi le deuxième avis vont dire fihi nadar. Wa ujiba, la réponse. Ay al-qawl al-thani, ceux qui ont dit la femme elle est pas concernée. Bi anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sakata an haliha ma'a adam ilmihi bi anna laha udran wa lam yas'al al-mujami' an mar'atihi alaha udrun fi al-iftar am la. Na'am, eux ils vont dire mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a pas demandé. S'il savait pas le hal de la femme, il a pas demandé. Il a pas demandé pourquoi li annaha elle est pas concernée. قال أتستطيع على الكفارة أم لا؟ بل وجه الأسئلة والخطاب له وحده والقولان قويان. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé qu'avec l'homme, c'est que l'homme, il était concerné. Le résumé de tout ça, comme a dit le shayhuna, al-qawlan qawiyan. Les deux avis sont qawi. Ceux qui ont dit la femme, elle est concernée, c'est un qawl qawi. Et vous avez remarqué qu'il se base sur le même hadith, hadith Abi Huraira. Et ceux qui disent que la femme, elle n'est pas concernée, kadalik, al-qawl, il est qawi. Qala wa thani aqrab. Cheikh Mohamed, waffaqahu Allah, il a choisi le deuxième qawl. Pour lui, c'est un qawl, il est plus proche. Al-qawl, il est aqrab. Et il est plus proche du haq du hadith. Wallahu a'lam, wa huwa tardih. Cheikhina Muqbil al-Wadi'i rahmatullah alayhi. Cheikh Muqbil, il a choisi le deuxième avis. Amma Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymeen, ils ont choisi le premier avis, anna la femme elle est concernée. Ala kulli hal, on retire de tout ça, nahnu al-hadar. Al-insan, il fait attention. Il fait attention de pas tomber fi hada al-dhanb al-azim. Lianna, vous avez vu que le kafara, elle est pas simple. Jeûner 2 mois consécutifs, c'est pas simple. C'est pas comme Ramadan. Ramadan, tu fais 1 mois consécutif lakin avec tout le monde. Et c'est un siyam obligatoire, tout le monde le fait. Tu le fais avec raha. Et tu le fais très simplement. Amma tout seul, 2 mois consécutifs, khasatan après avoir fait ce péché, c'est pas simple. Sauf pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il facilite, et celui qui est sincère et qui regrette, il veut se rattraper. Parmi les moyens de se rattraper, c'est de jeûner ces 2 mois. Donc il le fera. Lakin, as-salama, c'est ahsan. De ne pas rentrer fi hada al-shay. Baqiya idha ukrihat. Si la femme, elle est forcée, et son mari va avoir des rapports, et il la force, et elle faiblit, fa fi hada al-hal, la kaffarat alayha wa la qadha. C'est ça, al-qawl al-sawab. Et c'est le tarji' de Cheikh Ibn Uthaymeen. رحمه الله تعالى انظر الشرح الممتع لمجلد 6 الى ستة cette مساله لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. Elle n'était pas d'accord et son mari il la force, وهذا لا يجوز له. الانسان يمسك نفسه. الله سبحانه وتعالى il t'a donné عقل. الله سبحانه وتعالى il t'a guidé. Tu es musulman, فلا ينبغي هذا. لا ينبغي خاصه في نهار رمضان. اولا لم il a pas le droit. Il fait un dhamb azim. Thumma il force sa femme qui ne veut pas faire ce dhamb. Wal'iyadu billah. Donc, al-mar'a, si elle est idha ukrihat, fa la shak annaha, elle n'a pas de kafara. Et pas de qada. Al-qawl al-sahih, la kafara, wa la qada. Liannaha, elle a été forcée. Naktafi bi hada al-qadr. Inch'Allah, on continue dans le dars précédent. Ma yata'allak bi hadihi al-masail par rapport à al-kafara. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.